Yippee-ki-yay, motherfucker. T'es non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Kick Morant is dead. Bonjour à tous et transmission numéro 10, c'est parti, je suis encore une fois super bien entouré, il y a monsieur Lucien Alflands à ma gauche. Salut Oli, salut Manu. Et Manuela à ma droite. Voilà, vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler de la planète des singes suprématie. Autrement dit, War for the Planet of the Apes. On parlera de Dunkerque de Christopher Nolan. On parlera aussi de Visage Village d'Agnès Varda et de Song to Song de Terrence Malick. Voilà, c'est un numéro d'été. On espère en refaire un, disons, fin août, début septembre. Mais il y a encore plein de films de l'été dont on a envie de parler. Bien sûr, Baby Driver ou 120 battements par minute. Mais on va tout de suite commencer avec la planète des singes suprématie. We are not savages. Apes fight only to survive. Bad human kill ape. All dead now a long time. Long time. Bad humans. Soldier. You are impressive. You're smart as hell. You're stronger than we are, but you're taking this all much too personally. Donc, War for the Planet of the Apes, c'est le troisième volet de la saga de science-fiction qui avait donc été commencé par Rupert Wyatt, et puis poursuivi par Matt Reeves avec L'Aube de la Planète des Singes. C'était sorti sous ce titre-là en France, je ne sais plus. Ici, c'est en tout cas La Planète des Singes Suprématie. Et donc, toujours avec comme héros César, qui est entre guillemets interprété par Andy Serkis. Enfin, je pense qu'on peut vraiment parler d'interprétation à ce niveau-là d'accomplissement. Et donc, suite aux événements du deuxième volet, il y a une guerre qui dure depuis un certain temps entre les hommes et les singes, qui sont toujours retranchés dans la forêt. Et suite à divers événements du récit que je ne dévoilerai pas, eh bien, donc notre chef, César, va partir dans une vendetta contre un colonel humain qui est interprété par Woody Harrelson. Voilà, on va peut-être commencer par Manu. Manu, qu'en penses-tu ? C'est du bel ouvrage, intègre à mon sens, qui est à contre-courant de la frime actuelle des blockbusters qu'on peut voir ces derniers temps, qui est porté par de beaux personnages, qui a vraiment à cœur pour moi de perpétuer l'héritage à la fois philosophique, thématique du film original de Schaffner. L'idée de cette saga qui est d'inverser le concept du film d'origine en nous plaçant du côté des singes et hyper payant et de plus en plus payant, et notamment ce qu'il a intégré dès le second épisode, cette idée de travailler en décor naturel qui fait écho à la fois aux thématiques écologiques du premier film, mais d'intégrer les singes dans ce cadre-là et de ne jamais justement en faire un effet spécial. Le boulot de Weta est juste hallucinant, et ce qu'accomplit Serkis depuis des années, je trouve vraiment son achèvement le plus parfait là. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là, puis rebondir sur ce que vous en direz. Ben, moi, je suis assez d'accord sur le fait que c'est un blockbuster plutôt pas trop formaté par rapport à ce qu'on voit d'habitude, et ça, c'est pas déplaisant. Maintenant, je trouve qu'il y a, enfin voilà, que ce soit dans le sans en dire trop, mais dans le récit de vengeance ou dans une partie du film qui peut s'apparenter à un film d'évasion, je trouve que le film manque énormément d'originalité. J'ai eu un problème aussi avec la direction d'acteur, que ce soit Woody Harrelson qui cabotine toujours, et généralement je trouve que ça lui confère un truc assez charmant. Là, pour moi, il est vraiment en roue libre. Je trouve que même les singes en fait en font trop. Peut-être pas Serkis justement, mais pas mal d'autres. Chez pas mal d'autres, ça m'a gêné. Je trouve qu'il y a aussi un petit problème dans son approche, mais comme tu dis, qui vient du concept original, mais truc de vouloir mettre en parallèle l'animalité de l'humain et l'humanité des singes, je trouve qu'à un moment on peut aller un peu plus loin que ça, parce que ça reste quand même hyper, hyper lisse, quoi. Ça manque de relief. Ce qui me manquait aussi dans une réflexion semblable dans Okja, c'est-à-dire un peu de nuance, un peu de profondeur. Donc voilà, moi pour un blockbuster contemporain, c'est de la belle ouvrage, comme tu dis. Maintenant, ça m'emporte pas beaucoup plus loin, quoi. Mais vous pissez froid, les mecs, il est super ce film. Il y a plusieurs petits problèmes selon moi, mais je trouve que dans l'ensemble, le film se tient super bien, il est super agréable à suivre, l'action est lisible, il n'est pas monté de manière épileptique, t'as des vrais personnages, et il y en a plusieurs, t'as pas seulement César, t'as aussi deux gorilles, voire trois gorilles, dont qui est celui, le gorille, le sidekick, etc., mais qui, je trouve, marche assez bien, assez drôle, même assez touchant. Ah, le sidekick. Le sidekick qui a quasiment, je pense, la scène la plus belle et la plus émouvante de tout le film, qui est une conversation filmée en angle très serré avec César au coin du feu, où il va se révéler un petit peu moins dans son aspect comique qui le présente et qui est vraiment émouvante et qui est un sacré pari, parce que justement t'es à la fois dans du jeu d'acteur, mais t'as aussi dans un effet spécial, dans la manière de le reconstruire, et tu questionnes à aucun moment ce que t'es en train de voir à ce moment-là. L'émotion est complètement oui, là. Oui, non, ça complètement. Je trouve que les personnages existent vraiment au-delà des effets spéciaux. Tu questionnes pas du tout justement l'émotion. Et il y a un personnage qui, enfin, je vais pas en dire trop, mais qui change de bord, on va dire, au cours du film. Et moi, j'ai trouvé que c'était. Allez, c'est vrai que ce que tu dis, Lucien, le film va pas très loin. Il est un peu balourd. Premier film, c'était la filiation, et puis là, c'est un truc qui est quand même très fort sur la paternité. Bon, ok, ça va pas très loin, mais au moins, il tient son truc, quoi. Au moins, il développe son sujet, il l'assume et il le traite avec respect. C'est pas, par exemple, un traitement que tu vas avoir chez J.J. Abrams, justement, où on prend un héritage, on fait n'importe quoi. Là, il est conscient des thématiques que charrie cette saga-là, et il essaie de le traiter du mieux possible. Après, avec des scories d'écriture, je pense qu'il y a des petits éléments où, à des moments, il veut faire référence à la saga, et c'est assez maladroit. Le personnage de Nova qui est donné à une des jeunes filles dans le récit, qui est celui de donné par Charlton Heston à sa compagne dans le premier, c'est un peu maladroit parce que tu vois pas dans quel timeline ces choses-là vont se rejoindre, mais ça reste des scories minimes. On n'est pas dans le cas de personnages qui vont faire coucou à l'écran pour se rappeler au bon souvenir, quoi. Voilà, après, s'il faut en venir aux petits défauts, je trouve que dans le film, en fait, comme il va très vite justement avec une scène qui est très importante très vite dans le film, donc où, voilà, ça c'est pas spoilé parce que ça arrive vraiment là au bout de 3 minutes de film, il y a des humains qui sont capturés par les singes, et puis il va y avoir quand même des enjeux qui vont se dessiner juste à ce moment-là au bout de 3 minutes de film, et le seul problème que j'avais, c'était que j'arrivais pas encore à me mettre en empathie avec les singes, parce qu'il faut peut-être il me fallait peut-être quelques minutes de plus pour passer outre justement ces effets spéciaux au début quand même, c'est un petit peu, j'ai eu un petit peu de mal quand même à me rentrer dedans, parce que bon, on est là, il y a quand même un truc bizarre d'avoir ces singes comme ça hyper réalistes qui parlent, etc. ça m'a pris un tout petit peu de temps. Après, je pense que, comme tu le dis, le fait de les mettre en décor naturel, tout ce qui est justement le grisâtre, la pluie sur eux, etc., ça marche super et bien, ça les rend crédibles. Et de les filmer comme des humains, c'est-à-dire la manière, le plan qui introduit César est super bien pensé. Tu le vois avancer, mais en vue subjective. Ouais, version Les Sentiers de la Gloire, comme ça. Oui, mais je veux dire, c'est très bien pensé, cette idée d'anthropomorphisme, dans la manière de le filmer, tu vois, de la manière d'utiliser un regard qu'on appliquerait au cinéma à un humain, avant de le présenter. Il y a des petits trucs comme ça de mise en scène très classiques, mais qui sont hyper payants. Après, pour revenir de nouveau au défaut, c'est t'as une longue scène avec Woody Harrelson au milieu, qui d'un coup descend le film, quoi. Descend le rythme du film. En effet, Woody Harrelson n'est pas très bon, enfin, Mais c'est paradoxalement, le film dure, mais je pense qu'il dure pas assez sur certains trucs. Il y a des choses quelquefois qui sont trop ramassées. Et justement, tu as ce sentiment où d'un coup de tunnel dialogué où il va t'expliciter une thématique. Une scène, un moment avec justement la jeune fille muette qui s'appelle Nova, qui a un échange avec un des singes qui pourrait être touchant s'il était construit dans la durée du film. Et dans la scène suivante, c'est le payoff de cette scène-là où le singe meurt, dans une scène en plus qui n'est pas forcément très lisible juste après. Et donc tu as des moments où tu as l'impression que certaines scènes, elles se passaient plus dans le temps, auraient été bien plus payantes. Il y a des choses, des fois, qui ne sont pas des mauvaises idées, mais qui, à mon sens, sont mal introduites. Ça, c'était le truc qui me faisait super peur. Enfin, quand on voit l'affiche du film avec la petite gamine derrière César, là. Mais moi, je trouve que ça marche super bien. Mais cette idée... On ne parle pas de la même chose. Hein. On ne parle pas du même singe. Du singe qui... Il y a l'orang-outan, elle a un rapport avec l'orang-outan. Oui, mais celui à qui elle offre une fleur. Ah oui. Et qui va mourir juste après, dans la séquence suivante. Cette séquence-là pourrait être touchante si elle était espacée et construite. Là, elle est resserrée dans une scène où, en plus, c'est pas très lisible de savoir comment ils sont attaqués à ce moment-là. C'est vrai. Et ça défausse complètement l'émotion qu'on pourrait avoir. Parce que l'idée est bonne en tant que telle, mais elle est juste pas amenée. Comme la séquence où elle va rentrer dans le camp pour donner à boire, elle est super mal amenée. L'idée est belle, mais à un moment, elle te paraît complètement illogique que personne ne la remarque. Ben, moi, je sais pas. Franchement, je suis d'accord avec toi sur l'espacement des scènes. Ce truc-là, je l'ai admis sans trop de difficultés. Pour moi, il y avait une certaine poésie dans cette idée que personne ne la remarque. Pour en revenir là où je trouve qu'il y a une idée géniale dans le film, c'est difficile, je vais peut-être un peu spoiler, mais cette idée de la mutation du virus chez les humains et ce qu'elle entraîne et que du coup comment ça se répercute dans le film, le résultat c'est que outre cette scène dialoguée avec Woody Harrelson, il y a très très peu de dialogue dans le film et moi je trouve ça hyper payant quoi. Parce que là ils sont un peu creusés la tête pour faire passer des choses uniquement par l'image, uniquement par des gestuels, uniquement par des regards et du coup le film prend plus son temps et les personnages existent vraiment et moi je trouve, enfin voilà, moi je pourquoi est-ce que César parle toujours en anglais? Enfin, ou en français, parle toujours, alors qu'il parle le langage des singes comme tous les autres singes. Par contre, quand il parle aux singes, il continue à parler comme s'il fallait traduire pour éviter un maximum de sous-titrage. Quoi. Moi, ça m'a gêné, ça. Je pense qu'une partie de la fascination, c'est aussi d'avoir le singe qui parle. Ça défausserait une partie de la fascination qui existe depuis 68 avec le film de Schaffner et auparavant le roman de Pierre Boulle, qui est un peu différent. Et après, quand l'idée des humains qui sont muets, qui est déjà à l'origine dans le film de Schaffner, pour le coup, après les longs échanges dialogués le monologue de Woody Harrelson, t'as une très belle scène de fin avec Woody Harrelson qui repose sur une vraie idée de mise en scène. C'est vrai. Sur, en fait, grosso modo, l'humanité qui, entre guillemets, il va mourir parce que, fin de compte, il n'a pas réussi à enfouir son humanité, qui est cette petite poupée qu'à un moment qu'on va retrouver. Et tout ce qui est juste lu dans le regard entre César et Harrelson à la fin est hyper beau et hyper bien pensé. Je pense que toute cette scène aurait pu être bien. Toute cette scène, tous les échanges entre César et le colonel, entre autres, la scène qui vient avant, qui est pour moi totalement ratée, aurait pu être bien. Et ce qui n'en sort, ce n'est au final que cette, en effet, scène qui est en plus beaucoup plus courte que la première partie. Ça fait peut-être quelque chose de mieux que ce qu'on a l'habitude de voir pour le moment, mais c'est quand même pas non plus. Il y a des moments où vraiment. Bah encore heureux, c'est ce qu'on demande à n'importe quel film. Mais le problème, c'est que moi, quand je vais voir Les Gardiens de la Galaxie, j'ai pas une minute de cinéma dedans. D'accord. J'ai à aucun moment une scène qui me saisit, qui me transporte, qui m'émeut. En effet, peut-être qu'on voit le verre à moitié plein, mais franchement, moi, j'ai pris une bonne. Ça m'a vraiment plu. En effet, il y a des scènes qui m'ont touché, il y a des scènes qui m'ont emporté. Toute la scène d'évasion, j'ai trouvé ça super aussi. Après, c'est vrai qu'il y a des scènes ratées. La mort d'un des personnages, comme tu en as parlé, Manu, et aussi malheureusement les trois dernières minutes qui manquent clairement d'inspiration, je trouve. Voilà. Mais je vous propose que tout de suite, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter, on enchaîne avec. On va enchaîner avec Visage Village de Agnès Varda. C'est juste l'installation de l'échafaudage qui est soumis à autorisation. Alors moi, je vais vous dire quelque chose entre nous. Toutes les amendes, vous pouvez les envoyer à Agnès Varda. Chappie. Oh non ! C'est surprenant, non ? Mais l'art, c'est pour surprendre aussi les gens, non ? Allez, bonne journée, au revoir. Visage Village. Tu m'avais dit que tu ferais les cœurs, Lucien. Tu m'as pris au dépourvu. C'est le nouveau documentaire, en tout cas, on va dire essai cinématographique, d'Agnès Varda, qui s'est associé cette fois-ci pour la réalisation à un street artiste ou artiste français qui s'appelle JR, en tout cas, enfin, son surnom c'est JR et qui n'a pas joué dans Dallas Manu. Donc, c'est quoi un petit peu le concept de Visage Village ? C'est un petit peu difficile à expliquer. Disons que JR et Agnès Varda vont aller dans justement des villages ou en tout cas des petites villes, ils vont se promener en France à la rencontre de certains habitants et faire croiser ces rencontres avec, on va dire, le travail de street artiste de JR. Je développerai un petit peu plus sur le thème du film plus tard parce que pour moi justement il y a un nœud du film qui se joue là-dessus. Lucien voulait commencer sur Visage Village. Qu'as-tu pensé de ce film de JR et AV? Voilà, c'est un joli, gentil film, avec des jolies, gentilles idées. C'est ce que les gens veulent. Hein. Oui, il y a des idées, entre autres sur la cécité, sur le regard de Varda. J'ai l'impression qu'à un moment, sur la fin, tout tourne autour de ça. Le film a un côté un peu frondeur, mais pas très libre ni nouveau pour autant. Il y a ce film fait avec des bouts de ficelle, comme le fait Varda depuis toujours, plus ou moins, je pense. Au moins depuis deux films avant. Depuis 20 ans. Depuis 20 ans. Peut-être pas depuis toujours. Non, mais depuis longtemps, quoi. C'est pour moi clairement plus un film de Varda sur JR et sur sa relation avec JR et sur elle-même qu'un film de Varda et JR, parce que moi j'y vois surtout un film de Varda et je connaissais un peu JR avant, je vois pas où est JR dans la forme du film, je veux dire, évidemment je le vois dedans, voilà, et c'est vrai que c'est tout tourne autour de son approche. De leur approche, de leurs arts. Le film, il y a des trucs jolis, comme le film construit un peu comme un jeu de pistes autour de leur relation, qui est faite de taquinerie comme ça, ça lui donne un côté un peu doux, un peu jovial. Un peu enfantin. C'est mignon, quoi. Mais il y a certains beaux passages, entre autres, je trouve la femme de mineur émue de voir son portrait sur sa propre maison. Maintenant, moi, je peux pas m'empêcher de me demander quelle est la finalité d'un film comme ça, quoi. Je me dis bon, ok, voilà, c'est fait, c'est vu, ça sert à quoi, ça tourne vraiment en vase clos pour moi. Et je trouve aussi que là, il y a une partie dans l'usine que je trouve même assez maladroite. Tu veux dire sur le port du Havre? Ouais, que je trouve assez maladroite, et entre autres sur le port du Havre, mais je pense que tu parles d'usine de sel. L'usine de sel, mais c'est vrai que le port du Havre, c'est assez pareil. Ce côté où, au final, s'intéresser à des gens qui n'ont absolument rien à foutre qu'on s'intéresse à eux et qui n'ont aucun intérêt de ce qui est en train de se passer, je trouve ça inutile en tant que geste cinématographique, inutile pour le spectateur, inutile pour ces pauvres gens qu'on vient faire chier dans leur boulot. C'est pas le cas, hein, parce que au niveau du Havre, a priori, c'est des gens avec qui JR a collaboré depuis des années et qui le Havre, connaît. C'est un petit peu différent. Ça semble qu'être quand même des gens qu'il a intégrés depuis des années dans son processus. Après, c'est vrai que c'est peut-être compliqué de savoir réellement où se situe la paternité du film, quoi. Mais après, c'est à l'image, c'est à l'image de d'un certain nombre de films de Varda ces dernières années qui ont ce côté touchant. Effectivement, tu peux pas nier la bienveillance et qui est pas feinte de son regard sur les gens qu'elle rencontre, la légèreté de ton et qui est aussi beau aussi de célébrer ça aussi chez les gens, hein, je veux dire, y a ça sans cynisme, mais c'est juste que effectivement, à des moments, cette écriture qui fonctionne par rime sonore, visuel, ou chat, chapeau de paille, paillasson, etc., fait qu'à un moment, tu sais pas trop où le film se dirige, ce qu'il raconte trop. Et en plus, je pense qu'un des défauts du film, c'est un peu sa fin qui est assez mal amené. En plus, je trouve avec une séquence qui me met assez mal à l'aise par rapport à Varda vis-à-vis de Godard, où je trouve tout d'un coup il y a une sorte de malaise qui s'installe. En plus, la séquence n'a que sens que si tu connais tout le cinéma de Varda. Et moi, je crois que cette scène est assez ratée, mais parce qu'elle s'intéresse à Varda Et je pense qu'il y avait quelque chose à jouer sur la réaction de JR qu'on voit toujours en fond, mais qui en fait est extrêmement déçu, peut-être moins touché que Varda, qui n'a jamais eu de relation, je veux dire, amicale ou quoi que ce soit avec Godard, mais qui a vraiment un côté enfant déçu, et je pense que les lunettes, le chapeau, à mon avis, JR est un grand fan de Godard. J'en suis moins sûr, il a l'air plutôt un peu cassant dans le train quand il parle de lui. Il n'a pas l'air d'avoir la même fascination qu'Agnès Varda. Cette arrivée de Godard dans le récit, pour moi, ne marche pas, et en plus fait que le film se termine de manière assez un peu brutale, qui contraste très fortement avec la légèreté et le regard qui avait été posé tout au long du film. Parce qu'il y a ce côté un peu, on pourra en revenir peut-être en parlant de Malick tout à l'heure, mais il y a ce côté un peu marabout, bout de ficelle, comme tu disais tout à l'heure, qui est accentué en plus, ça, je mets une parenthèse, par le fait que JR a vraiment pris la diction de Varda, je trouve. Il parle vraiment comme Varda. Je trouve qu'il y a vraiment une manière de parler très, très, très saccadée, très enfantine, avec des choix de mots assez particuliers. Mais oui, c'est juste qu'à un moment, il faut terminer le film. Et comme le film ne fait qu'avancer comme ça par accolade d'idées, il y a un moment, il faut le terminer. Et c'est sûr que ça va être déceptif, parce que ça va se terminer de manière un peu... On ne sait pas exactement où il a commencé, et où il se termine, et ni comment, ni pourquoi. Mais ça, c'est dû à la forme des films de Varda depuis un certain moment, je crois. Ouais, mais tout au long du film, il y a cette idée quand même de placer les gens placer les gens dans leur environnement, de les grandir, l'idée de transmission, d'un héritage, de ces gens qui exercent le même métier que leurs parents. Il y a tout ça, il y a aussi cette idée de Varda en filigrane qui vieillit, etc. Est-ce qu'elle transmet ou ce qu'elle communique avec JR, mais je trouve cette manière brutale d'amener la mort, etc., de ramener Demi, ramener tout ça à la toute fin, Oda, est extrêmement brutale, et je trouve totalement en désaccord avec la légèreté de tout le reste du film. Je ne la vois pas venir, c'est pas que déceptif, je la trouve mal amenée. Moi je suis globalement d'accord, maintenant que j'ai la parole, merci. Je suis globalement d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Il y a un truc qui m'a étonné dans le film, c'est que vous dites, je suis complètement d'accord avec vous, narration, marabout, bout de ficelle, machin, et au bout d'un moment, on se dit un peu, ouais, tiens, où est-ce que ça va tout ça? Et c'est très drôle parce que justement à ce moment-là, il y a une scène entre JR et Varda où ils disent, c'est le sujet... Ah bah oui, mais c'est quoi le sujet? Ah bah oui, c'est la grande question, c'est quoi le sujet? Et quelques scènes après, t'as Varda qui parle avec quelqu'un qu'elle rencontre, je sais pas, et elle dit... c'est nous, on va à la rencontre des gens et on leur amène de la fantaisie, on se demande s'ils veulent bien partager notre fantaisie pour qu'on ait un chouette moment tous ensemble, etc. Et donc ils sont en train quelque part de te donner, de t'énoncer, de se dédouaner de faire ce film. J'ai trouvé ça assez... paradoxal, et après c'est clôturé par cette fin, je suis d'accord avec toi, qui est amenée de manière super abrupte, et par la scène au Louvre qui est complètement complètement à plat, avec Varda qui refait bande à part avec un fauteuil roulant et JR et qui saute dans tous les sens. Oui, c'est pas très heureux. Après, il y a des belles choses dans le film, comme tu dis, Lucien. Voilà, je suis pas étonné que les gens aillent voir le film, qu'ils soient contents quand ils sortent, etc. Moi aussi, d'ailleurs. Enfin, voilà, c'est sympa. C'est un peu inoffensif, quoi. Non, je sais pas si ça fonctionne mal, mais il y a effectivement des séquences qui sont mises dans le film et qui sont très anecdotiques. On en parlait en off, la séquence où on va aller voir la grand-mère de JR, ça dure 2 minutes, elle a rien à dire. Ok, on zappe. On zappe. Et il y a plusieurs séquences comme ça où il y a quand même ce souci-là où on investit une scène et en fait on n'en fait pas grand-chose, mais on la garde quand même dans le film. Très bien, donc voilà, vous aurez compris qu'on ne rejoint pas l'enthousiasme critique quasi général vis-à-vis du film Visage Village d'Agnès Varda, même si voilà, ça reste quand même quelque chose de léger et d'agréable. Ok, on va enchaîner avec Song to Song de Terrence Malick. I didn't know why I was coming to this party. And then I saw you and I thought, that's why. As I walk along, I wonder what went wrong with our love. We thought we could just roll and tumble, live from song to song, kiss to kiss. And as I We should make a record together. I know you do the live music thing, but you want to make some money? You've got talent. Donc, Song to Song, c'est le nouveau film de Terrence Malick qui est censé clore une forme de trilogie ou en tout cas une espèce de recherche qu'il a entamée, on peut dire depuis Tree of Life, mais bon, qui est vraiment constitué de To the Wonder, de Knight of Cups et de ce dernier, donc Song to Song, avec au casting Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender et aussi Natalie Portman. Les Kate Blanchett. C'est l'histoire de quoi ? C'est l'histoire d'une fille, on va l'appeler Rooney parce qu'elle est interprétée par Rooney Mara, qui essaye plus ou moins de percer dans le milieu de la musique et qui va tomber sur une espèce de producteur qui a l'air un peu borderline, on va dire, au niveau de son honnêteté personnelle et professionnelle, et qui va tomber amoureuse de Ryan, donc qui est interprété par Ryan Gosling. Si vous avez des meilleurs résumés du film, vous pouvez m'aider. Non, mais le film est difficilement résumable et je pense qu'on n'a surtout pas besoin d'être résumé. Ben moi, j'ai pas vu les deux Malick précédents. J'avais vu Tree of Life, que j'avais pas beaucoup aimé. Et ici, ben, je me suis copieusement ennuyé pendant 2 heures. En fait, c'est un cinéma, pour moi, hein, qui est complètement désincarné. Il n'y a pas du tout d'attache pour quoi que ce soit. C'est pas un hasard si j'appelle les personnages du film par les noms des acteurs et actrices qui les interprètent, parce qu'ils ne dépassent jamais ce stade du glamour et de... En fait, ils ne transcendent jamais ce qu'eux-mêmes charrient avec eux. C'est-à-dire qu'ils sont des stars glamour, super beaux, bien habillés. On les voit évoluer dans des espèces d'intérieurs aussi désincarnés. Qui peuvent aller dans un magazine de déco d'intérieur. Et il y a un refus chez Malick de tout ce qui pourrait, voilà, de nouveau, incarner son récit, de tout ce qui est action. Pas action au sens pétaradant, mais action au sens ils vont faire quelque chose pendant cette scène. Non, les personnages comme ne font comme chez Dardenne, quoi, un truc d'action, quoi. Non, mais au moins, chez les frères Dardenne, bah voilà, ils réparent une mobilette, bah ils réparent une mobilette, quoi. Mais là, à un moment, ils font la vaisselle. Et t'as l'impression qu'ils ont jamais fait la vaisselle de leur vie. C'est genre, il y a quelque chose qui fonctionne pas du tout. Et donc, en fait, le film ne fait que montrer des gens qui se promènent, qui jouent à des petits jeux. Et puis alors, y a des espèces de dialogues comme ça qui continue sur plusieurs espaces, sur plusieurs lieux, tu sais pas vraiment pourquoi. Et puis alors la caméra bouge un petit peu comme si c'était au hasard, comme ça, et tu... Juste parce que c'est joli. Ah tiens, je vais descendre sur les mains, c'est joli, comme ça. Et elle n'est motivée par rien. Tout le film, tout le récit n'est motivé par rien. Et alors, Rooney Mara, on devrait avoir de l'empathie pour elle, mais ça ne fonctionne jamais. Elle joue une fille, soi-disant, d'un milieu pauvre, mais ça ne fonctionne à aucun moment. On essaie de nous montrer la relation avec son père, on n'y croit pas une seconde. Ryan Gosling avec ses frères dans une maison de banlieue, mais ça ne fonctionne. T'as vraiment l'impression que c'est... comme Giscard qui faisait les dîners chez l'habitant, quoi. Tout est comme ça, hyper fabriqué. Moi, je comprends pas. Voilà, vraiment, je comprends pas ce truc. Je me suis vraiment royalement ennuyé tout au long du film. Et maintenant, vous allez m'expliquer pourquoi c'est génial. Je suis d'accord avec pas mal de choses que tu viens de dire, en fait. Mais moi, j'adore le film. Et je sais, en voyant le film, je me rendais compte que ça... Enfin, voilà, ça marche, la musique fonctionne sur moi, ça me prend, ça me transporte totalement. Et en même temps, je sais exactement, je comprends exactement tout ce qui va emmerder ceux qui n'aimeront pas. Pour moi, ce que tu appelles du laisser-aller est pour moi plutôt une forme de liberté. Et je pense que le film est construit comme un chorus de jazz, quoi. Avec des bribes prises de... chez des musiciens excellents et construit par la suite de manière totalement libre et totalement et je pense que c'est une manière de enfin pour moi c'est presque une quintessence du cinéma tant ça construit à travers le montage, à travers des trucs qui ça va plus loin que le marabout bout de ficelle de Varda, c'est juste des bribes, des brèves de choses qui sont mises ensemble et qui construisent un truc directement sur qui ça marche, ça construit directement quelque chose à même l'esprit, à même le enfin je sais non, pas mais si... qu'est-ce que ça construit dans ton esprit alors? Ben, c'est juste des brefs, comme je dis, des petits bouts de choses qui font... Non, mais qui font... Un soliste de jazz, il part sur une base. Il a un thème. Après, il part. Il a un thème musical. Il part, il peut aller n'importe où, mais à la fin, il doit retomber sur ses pattes, quand même. Pas toujours. Non, mais pas, c'est vrai. C'est parfois, là que le jazz trucs... devient très chiant, en général. Non, mais moi, je pense qu'il retombe, pour le coup, sur ses pattes, parce qu'il retombe sur ses pattes, qui est le dernier plan du film, qui est cette image d'épinal du cinéma hollywoodien... De baiser des amoureux sur fond de soleil couchant, mais qu'il a vraiment réellement réinvesti tout au long des plus de 2h, 2h30, ou j'en sais rien du film. Un peu plus de 2h. 10h50, c'est pas ça ? Mais non, après, je suis d'accord avec Olivier sur certains aspects qui pourraient. Qui peuvent rebuter, qui vont d'une certaine façon rebuter sur, je vais dire, peut-être une première partie du film, avec notamment cette ouverture éclatée où la voix de René Mara prend toute la place, de manière un peu maladroite, embarrassante, sur des considérations, sur sa vie amoureuse, ses états d'âme, un peu à la manière du journal intime d'une adolescente, mais qui est un peu rebutante. Après, je trouve que le film se déploie tout autrement par la suite, devient beaucoup plus choral, se ressent pas, même si elle reste le centre du récit, le film se développe, et pour moi, c'est effectivement un film fragile, un film en suspens qui est sur l'instant amoureux, sur ses contradictions, sur ses attentes, sur les espoirs, l'acceptation, toutes ces choses qui peuvent être contradictoires dans le sentiment amoureux, et que Malick magnifie totalement, justement, cette manière de capter des instants fugaces, de vraiment se mettre en danger dans sa mise en scène en refusant tout son héritage classique qu'il a pu le porter de Badland, on va dire, jusqu'au Nouveau Monde, et qu'il a mis en place avec à partir de Tree of Life. De Tree of Life. Et pour le coup, là, tu es vraiment avec un cinéaste qui a vraiment investi le médium numérique, entre guillemets, qui a vraiment complètement reconstruit sa mise en scène, son processus de création avec le numérique, avec cette idée que justement, dans le numérique, on n'est plus limité à la bobine qui fait 12 minutes ou qui en fait 6 et qu'on fait tourner et que le chargeur, après, on doit le changer. Là, on va partir sur des longues prises, on va tout modeler le montage autour de ça pour capter des petits moments d'égarement, des petits moments chez les personnages, et justement, retravailler cette idée de sentiment amoureux qui est complètement fugace, qui est quelquefois contradictoire, qui plane et qui n'est pas un truc complètement tangible que tu arrives à capter. Et je trouve justement cette idée de le situer dans le backstage, entre guillemets, de concerts de rock, etc. Une belle idée aussi d'artistes de rock, etc., qui ont aussi choisi de brûler la vie par les deux bouts, par cette idée et toutes les contradictions qui vont avec, et le fait de durer aussi, de comment installer dans la durée ce type de sentiment. Après, je suis pas du tout d'accord sur justement la manière de filmer ou la place qui est donnée au décor, parce que c'est pas juste un enchaînement de bol-off de magazines en papier glacé. Il y a pas que de ça, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça pour le coup. Et, il y a un rapport, et pour le toujours, coup, je pense que le film, pour moi, s'ancre beaucoup plus avec l'arrivée du personnage de Nathalie Portman, qui est un personnage qui est beaucoup plus ancré socialement que les autres. Ouais, et d'ailleurs, elle est serveuse, soi-disant, pour joindre les deux bouts, machin. Et alors, dès que le mec la drague, oups, c'est parti, en deux secondes, elle est plus serveuse, quoi. Ou elle lâche son job. C'est un peu plus compliqué que ça, puisque tu ne vois pas cette séquence-là. Tu as cette séquence de drague. T'as une ellipse sur chaque plan. Il ellipse, et il fait le choix d'ellipser certaines choses, effectivement, mais il y a clairement quelque chose qui est montré, et le destin qui va attendre des Portman charrie aussi toute une part de tragédie qui peut se passer dans une relation amoureuse, et qui est aussi montré de par le décor et de là où elle vient, et comparé à là où vit Michael Fassbender, sur le côté très performant narcissique du personnage, sur une cannibalisation aussi un peu de cette merchandisation de ce sentiment-là, où ce mec est dans une consommation de ça, et qu'il n'est pas du tout dans la construction d'une relation, contrairement à ce qu'essaye de construire Rooney Mara et Ryan Gosling, avec toutes les difficultés qu'ils ont, les errements, etc. Là, il y a une vraie invention constante. Le film ne fait que te surprendre constamment dans sa manière de te raconter les choses, et au fur et à mesure, de faire sens, je trouve. C'est là où le film est intelligent, parce qu'il ne t'assène pas, en fait, de quelque chose, il te le fait ressentir. Après, il y a des trucs, effectivement, maladroits, d'acteurs très glamour qui quelquefois sont en contradiction par des petits moments dans des scènes. Après, je pense que c'est la condition sine qua non pour pouvoir financer ce type de film-là et ce type de cinéma-là. Mais c'est aussi grâce à cette implication des acteurs en tant que tels dans le film qui permet d'intégrer des musiciens réels, des gens avec le background qu'ils ont. Moi, je trouve qu'il y a une scène touchante de Patti Smith quand elle parle de son mari dont j'ai oublié le nom. Et leur intégration ne fonctionne que parce que justement il n'y a pas de personnage trop construit à l'intérieur du film, sinon ça c'est une alchimie qui pourrait pas prendre. Pour moi ça marche parfaitement. Je pense que la musique tient vraiment un rôle de narrateur et que le film porte assez bien son nom, Song to Song, parce que le film est construit comme ça, comme un enchaînement de chansons, comme un enchaînement de bouts de chansons, de moments de vie amoureuse. Et en effet, il n'y a pas ou peu de background chez les personnages, etc. C'est juste des instants qui existent comme ça, et puis qui viennent s'enchaîner les uns après les autres, et qui créent quelque chose, pour moi, c'est ça que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, à même l'esprit du spectateur, quoi. Chaque scène est conçue comme un long plan séquence, qui est complètement recomposé au montage en fonction du point de vue, avec une caméra qui est quasiment un peu démiurge, les optiques qui sont utilisées, la manière de... ce qui est quelque chose qui n'est pas que chez Malick, mais que travaille Lubezki depuis quasiment une quinzaine d'années, à la fois chez Cuaron et maintenant chez Iñárritu et chez Malick. D'accord. Cette idée de replacer toujours justement le personnage dans le décor dans lequel il est, c'est pour moi que c'est justement, t'es pas juste dans quelque chose de papier glacé, il y a vraiment toujours un sens quasi expressionniste dans la manière dont les personnages sont pris dans leur environnement. Je veux dire, t'es pas justement dans un le décor pour apparaître comme carte postale, mais il a un vrai sens quand à l'instant T, pourquoi on a choisi ce décor là. Je trouve que justement Jacques Fisch, Fassbender a ses décors à lui, il y a une froideur, les moments de solitude gros... sont justement dans des espaces extrêmement épurés, beaucoup plus dans des parkings, dans des arrière-cours, etc. Il y a des vrais choix qui sont proposés, qui sont justement intégrés dans ce processus de mise en scène qu'a installé Malick depuis quelques films, et je trouve qu'il y a une des meilleures conclusions qu'il a pu faire, et pour le coup de quelqu'un qui aussi s'est offert cet espace, ce petit laboratoire qui court pendant quoi 6-7 ans, et qui a explicitement dit qu'il revenait à une narration plus classique, traditionnelle après ça. Pourtant, je pense que à ce niveau-là, le précédent était peut-être encore plus radical, entre guillemets, mais m'avait dérangé sur d'autres points dont celui-ci est assez délesté. Qui serait une sorte de mysticisme permanent comme ça. Et c'est la première fois pour moi dans cette trilogie où je ne sens pas son regard un peu lourd sur un siècle, sur une époque qui ne juge peut-être pas à son goût, où je sens plus son regard porté sur ses personnages et sur leurs sentiments que vraiment sur l'univers dans lequel il juge pas ses personnages, il juge même pas Fassbinder. Ah oui, c'est ça que je dis, ce qu'il faisait plutôt dans Night of Cups. Assez détestable. Ah, absolument. Pour moi, il le juge pas. Non, mais je suis d'accord, c'est ça que j'essaie de formuler. Contrairement à dans Night of Cups, pour moi, il y avait des moments comme ça où je sentais le regard un peu accusateur de Malick derrière le film. Et je trouve moi aussi sa notion de comment il ramène la tragédie par le personnage de Portman et ce qu'elle va vivre, aussi la manière dont il l'introduit. Tu ne sais pas clairement dans quelle ligne temporelle tu te situes, si cette histoire se situe avant de ce que tu viens de voir entre Fassbender, Rooney Mara et Gosling, ou si elle se situe avant ou après. Pour le coup, il entremêle de manière hyper fluide des moments qui peuvent être très distants, de manière beaucoup plus fluide que le maître en la matière qu'on appelle aujourd'hui Christopher Nolan. Non, mais d'accord, enfin, j'entends ce que vous dites, mais ce qu'il y a, c'est que pour moi, j'ai aucune attache, je rentre jamais dans le film, j'ai aucune attache, et surtout, je trouve que ce film reste toujours... sur le même rythme et sur le même... Enfin, il n'y a jamais d'accélération où tu ne fais jamais prendre conscience qu'à un moment, il y a un moment plus important que celui d'avant. Ah oui, parce que le film est construit comme une transe. Ce qui se noue autour du personnage qui est le personnage le moins important dans sa place à l'écran, qui est celui de Portman, je trouve, noue et lit le film vers là où il se dirige. Il y amène de la gravité, il y amène des enjeux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le film, après, fonctionne de manière très impressionniste, et effectivement c'est de manière très diffuse qu'il qui t'amène à un type de narration, mais je suis pas d'accord dans le fait que c'est juste un empilement de séquences. Il y a une vraie progression tout au long du film. Mais vraiment, et je trouve qu'il arrive justement à la fin avec cette dernière image à réinvestir ce genre de cliché hollywoodien, parce qu'il il t'a montré toute cette multitude, toutes ces contradictions, tous ces moments d'hésitation autour de ça. Nathalie Portman est peut-être le nénuphar au milieu de la flaque de boue du truc, mais c'est vrai qu'avec elle, il y a un affect qui se noue peut-être un petit peu plus, mais en même temps, on voit clairement Nathalie Portman grimée en serveuse, mais elle reste hyper glamour. Et tu dis, ouais, mais alors on te questionne sur comment est-ce que tu réagirais dans ce genre de situation avec dans une relation amoureuse. Mais pardon, mais moi j'y crois jamais. Ça ne me parle même pas sur qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse, mais à aucun moment, quoi. Il y a des moments, moi, qui me dérangent, notamment à la fin, quand il te place pour le retour à la Terre, Ryan Gosling dans un puits de pétrole, et tu sens qu'il s'y prend comme un manche. T'as l'impression de voir Macron en visite présidentielle chez les paysans. C'est la deuxième fois qu'on parle de visite présidentielle. Je suis d'accord avec toi, mais vu que tout ce que le film m'a proposé à côté, je passe outre ça. Mais je pense que c'est pas forcément le plus grand directeur de casting au monde, quoi, Malick. Non, mais est-ce que c'est dingue comme à partir de la longue pause qu'il y a eu entre Les Moissons du Ciel et La Ligne Rouge, tout Hollywood se précipite sur sa porte, quoi. Il a tous les plus grands acteurs à chaque fois pour ses films. Parce tout qu'il Hollywood, l'aura du mec qui avait fait Badlands, quoi. Tous les acteurs, oui, c'est ça, ouais. Tous les acteurs, pas de tout Hollywood, parce que industriellement, je pense que je sais pas dans quelle limite de budget, dans quelle économie se tournent ces films-là. Je suis pas sûr. Après, que ça intéresse les acteurs, ce type de processus où ils sont beaucoup moins dans la structure hollywoodienne classique et où ils vont clairement dans un truc où ils vont être dans un lâcher-prise que leur offre peu le cinéma à côté. Oui, ils sont sûrement friands de ça. Et plus l'image prestigieuse d'avoir tourné avec Malick, c'est certain. Après, ça me fait penser par moments, moi ça m'a fait penser à du Zulawski dans certaines idées de diriger les acteurs et quelquefois une certaine hystérie aussi qui peut c'est se dégager. C'est plus hystérique et bordélique chez Zulawski, même si moi je peux adorer ça chez Zulawski aussi. Mais ici, il y a quand même un truc qui pour moi se tient dans un... Peut-être ce que dit Olivier, qui n'a pas vraiment de forme. C'est plus tenu chez Malick que chez Zulawski, où il y a vraiment ce côté presque punk, rien. Enfin, il y a peut-être quelquefois plus incarné chez Zulawski, là, pour le coup. Ça, c'est possible, ouais. Oui, plus incarné, ça, très probablement. Donc, on va passer maintenant. Merci pour cette belle discussion. Nous allons passer maintenant à Dunkerque de Christopher Nolan. What has happened is a colossal military disaster. We shall go on to the end. We shall never surrender. Et on va finir cette émission, avant les conseils bien sûr, avec le film événement de Christopher Nolan, donc Dunkerque, qui retrace, c'est pas vraiment une bataille, c'est plutôt le sauvetage, la fuite des troupes anglaises coincées à Dunkerque au début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un film, enfin voilà, je pense pas qu'on puisse résumer plus que cela. Donc il y a Mark Rylance, il y a Tom Hardy, il y a Kenneth Branagh, il y a le gars des One Direction que Manu adore, Harry Styles, et plein d'autres acteurs pas fondamentalement très connus, je crois. Il y a James Darcy, voilà, qu'on avait vu dans Cloud Atlas, bon, je crois que je l'avais pas vu depuis, enfin, bref. Ok, il y a toute une série d'acteurs, et c'est un film de Christopher Nolan qui dure moins de 2h30, qui dure 1h40 sur un tel sujet. Moi, j'avoue que ça m'a quand même donné du cœur à aller voir le film. Franchement, en sachant que Christopher Nolan faisait 1h40 sur un tel sujet, je me suis dit, ouais, allez, j'ai envie. Petite anecdote, hein, que les distributeurs au cinéma ne nous avaient pas donné la durée du film, donc on a dû supputer, On s'est dit, c'est un Nolan, on a mis 2h30 et on a fait tous les horaires jusque fin août avec 2h30 pour le film. Du coup, on bousille deux films par salle sur la journée à chaque fois parce que le film fait putain d'1h40 alors que bon, dans le doute, on savait pas, on pouvait pas faire autrement, on était obligé de faire les horaires. On s'est dit, bon, on va taper large. Eh ben non. Au cas où vous l'auriez pas compris, Lucien est projectionniste. Travaille dans un cinéma. Mais ça, tout ça, ce sera coupé par Manu. Non, va le garder. Non, je trouve que c'est une excellente anecdote, moi. Moi aussi. Mais Donc, Manu, tu commences sur Dunkerque. Ouais, j'ai commencé sur Dunkerque. Comme on dit chez nous, hein, en Belgique. Mais non, mais c'est pour moi un film qui est un peu à l'image des défauts et des qualités de Nolan. Pour le coup, je suis assez cueilli par le premier tiers du film, parce que je trouve qu'il est plutôt habile dans l'exposition de son film, la manière d'installer le climat sur cette plage, de créer une certaine atmosphère. Il travaille vraiment la profondeur de champ, tu sens qu'il expérimente des trucs qu'il ne faisait pas auparavant, et je pense justement d'avoir terminé cette collaboration avec son chef opérateur qui a couru sur tous ses films, et là de travailler avec Oitema qui était là sur Interstellar. Je pense qu'il est en train d'essayer de se réinventer, mais malheureusement après ça il retombe pour moi dans, je sais pas si c'est ses travers, mais c'est aussi ce qu'on attend, et c'est sur comment un film de Nolan est vendu aujourd'hui. C'est il y a cette narration éclatée sur trois temporalités, trois espaces, qui à mon sens ne se justifie jamais, qui pour moi même va à contre-sens de l'immersion du film. On va peut-être revenir en arrière, c'est ça tu veux dire ? Non, juste j'aurais beaucoup à dire là-dessus. Pour moi, qui va un peu même à contre-sens du film, puisqu'on passe du jour à la nuit, on a des problèmes de raccord lumière, de plein de trucs, etc., qui se créent par tout ça, et qui n'apportent pas grand-chose, et on sent que c'est un peu une béquille qui est mise là, parce que, comme si le fait d'aller voir juste un simple film de guerre par Christopher Nolan ne serait pas assez vendeur pour le public, parce que le public attend de Nolan de triturer ça, et il y a ça. Et donc je trouve tout d'un coup, après avoir cette très belle exposition, il s'enferme dans ce mélange de temporalité. Le film est très peu payant et est desservi par un des collaborateurs dont, à mon avis, Nolan doit se séparer, qui est Alzheimer, qui est un cancer de la musique de film, et qui pour moi a fait que la séquence était éprouvante, parce que du début à la fin il n'a une seule idée thématique et orchestrale, c'est d'orchestrer tout le film sur un tic-tac de montre qui ne fait qu'en s'accélérant, et à chaque scène on voit le truc arriver, ok, le tempo va aller crescendo, ça va s'accélérer, et ça me sort complètement de l'immersion voulue par Nolan, voulue par l'utilisation du 70mm, voulue par l'IMAX, et je me dis mais c'est dommage, parce que comme pour Interstellar, où Interstellar m'avait séduit, parce que j'ai beaucoup apprécié Nolan sur ses premiers films, et ça fait quelques films que j'avais des soucis avec cette super structure où l'intrigue prenait tout le pas sur les personnages. Interstellar m'avait séduit dans son introduction, où d'un coup il prenait le temps d'installer ses personnages, d'installer les relations entre les personnages, où l'émotion me regagnait, et tout d'un coup, à partir de la grande séquence d'Interstellar où le personnage de Matthew McConaughey se retrouve confronté à 20 ou 30 ans de sa vie face à ses enfants, une séquence bouleversante, le film d'un coup se raccrochait à des pirouettes scénaristiques assez capillotractées, pas très intéressantes, et perdait complètement le fil émotionnel du film. Et là, pour moi, c'est un peu la même chose. Au début, on n'est pas peut-être dans de l'émotion, mais toute la dimension atmosphérique qui est place au début du film se perd complètement dans cette narration éclatée. Je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je mettrai des petites nuances, mais je trouve que le pari de base est peut-être de faire une sorte de survival sensoriel et humaniste, parce que je pense que le film a vraiment cette volonté-là, entre autres de ne pas... Je trouve qu'il pousse ça au point de ne jamais... montrer le visage ennemi, qui est comme plus une masse sourde qui rôde, qui est presque déifiée. Comme ça, il y a même un moment, je pense, c'est Branagh, qui est aussi Kenneth Branagh, qui dit qu'il préfère affronter la mer que les avions ennemis. Je pense que c'est vraiment une manière d'extraire, enfin de faire en sorte que la menace ne soit pas concrètement humaine. On sent qu'il essaie d'entreprendre un regard sur le film de guerre un peu différent. Bon, pour moi, il n'y arrive pas trop. Il y a un moment où je suis assez d'accord sur la musique d'Hans Zimmer qui bouffe un peu tout le film. Et en même temps, en voyant le film, je me dis, mais cette musique est tellement omniprésente et assez dérangeante parce qu'elle prend trop de place. Mais elle raconte, enfin elle est presque narratrice d'une certaine manière, donc elle est je n'arrive pas à imaginer le film sans la musique, en fait. Elle tue toutes les intentions de mise en scène qui sont voulues dans la profondeur de champ par des trucs beaucoup plus minimalistes où ils cherchent à créer du spectaculaire par un travail sur la profondeur de champ, et là d'un coup t'as ce gros martèlement qui remplit toute la bande son et ouais. qui laisse aucun espace à rien. Je suis assez d'accord aussi sur le côté, enfin le jeu sur les différentes temporalités du film, qui pour moi ne s'explique pas vraiment sinon par le fait qu'il faut que voilà le il faut vendre un film de guerre par Christopher Nolan. Ouais, c'est ça. Enfin, d'abord qu'il y a le côté, c'est ça. Nolan a un auteur qui travaille le temps, donc il est obligé un peu de travailler le temps dans tous ses films, ce qui est bon. Voilà, ce n'est pas le cas. Et en plus, c'est peut-être aussi la seule manière qu'ils avaient trouvé pour de raconter toutes ces actions qui se passent sur un petit laps de temps, même si je pense qu'à travers la, enfin il y avait d'autres manières de les penser, mais pour bon voilà, moi, c'est le parti pris qu'ils ont pris. La même séquence de manière linéaire, effectivement, ça serait réduire les enjeux à une temporalité, mais elle ne gênerait pas pour autant le récit. Après, je pense aussi que le, enfin personnellement, moi je préfère voilà comme tu disais le premier tiers d'Interstellar. Enfin, en fait, moi je préfère le Nolan plus épuré, Pour moi, là, il est épuré. C'est là que j'allais en venir. Je dis, dans l'absolu, je préfère le Nolan plus épuré. Et c'est le cas, comme dans le premier tiers d'Interstellar, comme dans pas mal de scènes de The Dark Knight, comme dans ses premiers films. C'est le Nolan que je préfère. Je le préfère moins grandiloquent. Enfin bon, voilà. Et avec des vrais personnages, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un des malentendus sur Nolan, sur la manière de structurer ses films, par exemple sur Memento, qui est devenu un peu un sorte de film culte qui charrie l'image de Nolan, tout le film est axé sur la perception que tu as du personnage. Cette structure inhabituelle telle qu'elle est, elle est vectrice de l'émotion que tu as vis-à-vis du personnage de Guy Pearce. Là, d'un coup, ça fait rajout sur un film qui n'a pas besoin de ça et sur lequel aucun personnage n'existe. Que ça soit les anonymes castés sur la plage, que les grandes figures paternelles qui sont incarnées par Mark Rylance ou Kenneth Branagh avec des dialogues hyper sacerdotaux. Quoi. Tous les acteurs sont assez bons. Et je pense, une dernière chose, que le film aurait peut-être gagné à être un peu moins monolithique dans son intensité. Tu parlais tout à l'heure de Malik qui pour toi était totalement n'avait aucun relief. Ici, il y en a pas non plus, mais par contre, il a poussé ça. Les curseurs sont à fond tout du long, et du coup, dès la première seconde du film à la dernière seconde, il baisse jamais l'intensité, jamais le rythme. Et du coup, c'est vrai que il y a un côté assez intense, mais on perd quand même en immersion et en émotion peut-être. Alors, en immersion, je trouve pas du tout. Je trouve que le film est justement assez immersif. C'est sa principale qualité, selon moi, et son principal défaut aussi. Et en émotion, complètement. Enfin bon, il y a beaucoup de choses à dire, selon moi, sur ce film. Je trouve que c'est déjà un film assez passionnant. Enfin, pour Christopher Nolan, de faire ce film-là au moment de sa carrière, je trouve ça assez culotté, parce qu'il y a moins de stars, c'est un film plus court, c'est un film avec très très peu de dialogue par rapport au précédent film de Christopher Nolan. En plus, c'est sur c'est un film de guerre, donc un truc qui, a priori, va pas ramener autant de masse que d'habitude, et en plus, il le fait sans star spécialement, quoi. Oui, non, les stars, je suis pas d'accord. Il y a Kenneth Branagh, il y a Mark Rylance, il y a des figures très incarnées et qui sont clairement les figures qui ont du dialogue, qui sont mises en avant et, à mon avis, pas dans la meilleure des manières. Je suis d'accord avec toi, Manu. Par contre, sur l'exposition, je trouve que l'exposition est très très bonne, et notamment ce coup de ce qui se noue entre deux soldats. Qui est fait de manière très subtile et pas très claire, justement, volontairement pas très claire au début du film sur la plage là. Donc on est avec ce premier soldat qui va nouer une relation avec un autre soldat qu'on va voir et dont on va découvrir à quelque part le secret que en tant que spectateur tu subodores quand même sur le, enfin voilà, ça c'est dans une des temporalités. Et maintenant pour arriver au gros morceau, les trois temporalités, ok. Donc, au début du film, on t'annonce... alors, ça se passe sur la plage, ça dure une semaine. Ça se passe sur la mer, ça dure une journée. Ça se passe dans les airs, ça dure une heure. Ok. Avec ces trois temporalités, il fait une espèce de truc très bizarre où, comme c'est dans trois temporalités différentes et que c'est entremêlé, il te montre des choses que tu sais qu'ils vont arriver dans l'autre temporalité après. Donc en fait, tu peux quand même anticiper les choses qui vont se passer. Sauf que, quelque part, ça ne fonctionne pas du tout. Par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles, mais tu as des plans sur, qui sont des plans aériens, sur des choses qui se passent sur les bateaux, voilà, sur la mer. Et ensuite, tu te retrouves, et donc tu vois un bateau sombrer, des gens qui nagent dans l'eau, etc. Et après, tu vas te retrouver plus tard dans la même situation, mais que toi, cette fois-ci, tu vas pouvoir anticiper. Et en fait, je crois que ce qu'il a essayé de faire, c'est justement de te créer un suspense avec ça. C'est-à-dire qu'il t'a montré le futur quelque part, tu vois. Il t'a montré ce qui allait se passer après. Moi, je trouve pas que le futur marche. Je pense que ça marche pas. Mais je trouve que c'est assez vertigineux ce qu'il essaye de faire. Mais ça ne fonctionne pas super bien parce que justement, tu n'as pas d'affect et que, comme tu disais, il n'est pas super doué pour l'espace et les trucs et les machins. Tu n'identifies pas assez bien les choses. Est-ce que tu ne surinterprètes pas un tout petit peu, un poil ? Non, franchement, je ne trouve pas. Mais il essaye clairement de faire ça. Vous n'avez pas ressenti ça ? Moi, je n'ai pas ressenti ça, peut-être parce que j'étais déjà complètement à un moment évacué du film par cette musique de Hans Zimmer qui est envahissante et qui, pour moi, tuait toute tentative de cinéma à partir d'un moment. Après, moi, j'ai un souci, c'est quand même il y a un tiers du film qui se passe dans les airs. Et là, on voit une partie du film, une des trois temporalités du film qui se passe dans les airs. Et là, tu vois les limites complètes de Nolan dans la manière de filmer l'action. C'est grosso modo, j'ai un plan sur le cockpit, un plan sur la gueule de Tom Hardy, un plan arrière, un plan arrière collé au nez de l'avion, qui est subjectif. Et c'est du ping-pong entre ces plans-là, et ça ne se renouvelle jamais. Non, mais je suis d'accord. Et là, il a beau avoir peint le nez en jaune des avions allemands pour t'y repérer, je finis par m'y perdre parce que je bascule tellement dans un ping-pong un peu automatique entre ces valeurs de plan qu'au final, je n'investis plus du tout cette séquence-là. Toutes ces séquences qui se passent dans les airs, je trouve que là, on voit les limites de ça. Je trouve que, pour le coup, il est très bon dans l'exposition, il n'est pas très bon dans l'action. En fait, j'ai un souci avec Nolan, je pense, depuis le Prestige, où je trouve que... C'est sa coupe de cheveux, quoi. Pour moi, ça va vraiment pas, quoi. Non, mais Nolan, pour moi, le Prestige est un film raté. Oui, parce qu'au moment où ce sujet, il surligne tout, justement, le jeu temporel est systématiquement martelé, surligné, toutes les séquences. Et j'étais content, avec Interstellar, de voir cette toute première partie où tout d'un coup, il se redéployait sur des personnages, sur de l'émotion, sur un cinéma beaucoup plus classique, se débarrasser un petit peu des tics qui étaient devenus son cinéma. Et ce que je retrouve dans le premier tiers ou la première partie, l'exposition de Dunkerque. mais voilà, je trouve qu'après, ça joue que sur une seule même note. Comme Zimmer, ça joue sur la même note qui se répète et qui n'évolue pas. Et voilà, sur le même sujet, sur le même événement, t'as Henri Verneuil qui a fait un film bien plus intéressant, bien plus large, bien plus haut en couleur, qui est Weekend at Zutcote. Il y a eu d'autres films qui ont précédé Nolan, et je trouve que Nolan apporte pas grand chose. Pour plusieurs choses, il n'est pas très bon. Mais pour d'autres choses, il est très bon. Hein. Côté immersif, je trouve qu'il fait des très beaux... Enfin voilà, il y a des, comme tu disais, profondeur des champs, une très belle ambiance, il pose des choses très belles. Et il fait aussi des suspens qui marchent très très bien, mais sur quelques minutes. Sur une noyade, il va te faire un super suspense, ou sur le moment où ils sont dans la carlingue du bateau et que tu as les balles ennemies qui vont transpercer la coque du bateau, etc. Sur des petits instants, il te fait des très bons suspens. Mais sur l'heure 40, il n'y arrive pas. Pour revenir à la séquence de la cale qui est une séquence un peu tendue, effectivement, où l'ennemi n'est jamais visible, comme l'indique Lucien, qui est peut-être tendu dans justement cette notion de jamais montrer l'allemand et d'avoir ces balles qui commencent à percer la coque et la tension. Le problème, c'est desservi par des dialogues absolument ineptes à ce moment-là qui portent le sens du film, parce que Nolan a bien répété en promo, c'est pas un film de guerre, c'est un film de survie. Et qu'est-ce que font les personnages? On a un grand discours sur la survie, que c'est crade, et oui, on comprend. Et surtout sur un rebondissement scénaristique sur un des personnages, qui est ce personnage qu'on a suivi au début du film, en accompagnant ce soldat anglais, la rencontre qu'il y a, effectivement, qui est d'assez beaux moments du film, et toute cette intro avec ces deux personnages. Et d'un coup, tu as un rebondissement, ok, c'est un traître, on pense que c'est on l'accuse d'être un traître allemand, en fait, c'est juste, c'est pas un traître allemand, c'est un lâche français. Ben le problème, c'est que tout le film t'a montré l'inverse. C'est un mec qui a sauvé par deux fois le personnage qui est en train de l'accuser. Et ça devient à un moment, juste à un moment, tu sens Nolan qui perd ses personnages et qui est plus préoccupé de faire un petit rebondissement scénaristique et de pas suivre ce qui s'est noué entre ces trois personnages-là. Parce que c'est quand même le personnage qui reste sur le quai du bateau, qui au moment où ces mecs-là vont se noyer, leur ouvre la porte. Et alors qu'à un moment, quelques instants plus tard dans le film, peut-être pas dans la temporalité, l'autre l'accuse que c'est un sale traître juste par une simple parce que c'est la survie, c'est la lâcheté, etc. C'est un peu grossier, c'est pas très finaux. Et pour moi, ça montre juste une envie de te surprendre par un twist. On est dans Dunkerque, on n'est quand même pas au point de Dark Knight Rises ou d'Inception. Hein. Je veux dire, c'est pas à ce point-là. Non, mais la superstructure si au-dessus des personnages, etc. Même si je peux paraître négatif, allez voir le film. Je pense que c'est une proposition de cinéma intéressante à voir. Puis c'est ça juste, fait pleurer les vétérans. J'espère que Nolan sortira de ce petit moule et des attentes qui est une sorte des attentes qu'on a vis-à-vis de lui et qui se laisse aller peut-être à une narration plus classique, à essayer de changer un petit peu son modèle de cinéma, parce que c'est un auteur intéressant. Ouais, mais moi aussi, je trouve clairement, et je trouve que c'est un film intéressant, où il essaye des trucs, qui réussit pas toujours tout, mais et je trouve assez passionnant justement de faire ce film-là à ce moment-là de sa carrière. Très bien, donc on passe tout de suite au conseil, Manu. Eh ben, je vais vous conseiller Amanda Knox, qui est un documentaire de Netflix. Sur un fait divers qui s'est passé en Italie en 2007, le viol et l'assassinat d'une jeune fille anglaise, qui est Meredith Kerchner, qui est décédée dans des conditions assez abjectes en Italie et qui partageait sa chambre avec une autre étudiante américaine. Et le film commence vraiment, peut-être de la pire des manières qui soit, à base d'archives criminelles, de zoom crapoteux en VHS sur des éléments de crime. On pourrait vraiment s'attendre au début d'un fait entrer l'accusé, ce genre de documentaire extrêmement racoleur qui se repaît de ce genre d'affaires criminelles et de ce genre de fascination pour ce type de meurtre. Et au fur et à mesure, le film est assez étonnant, laisse la place à la principale accusée qui est Amanda Knox, cette étudiante américaine qui partageait l'appartement avec cette autre jeune fille et qui a très vite été accusée, où on voit l'enquêteur qui est un Italien à la fois complètement pétri de fascination pour une sorte de logique d'investigation criminelle, mais aussi complètement pétri par des notions de morale, religieuse, qui parasitent complètement aussi son jugement. Un des journalistes principaux de l'enquête, d'une indécence absolue. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on laisse la place à ces protagonistes de réécrire une partie de l'histoire. Et les deux personnages ont tout le temps de s'exprimer et n'énoncent à aucun moment, l'enquêteur et le journaliste, de remords sur la façon de procéder. Et c'est assez fascinant de voir des authentiques salauds s'exprimer aussi librement après avoir vu ce qu'ils ont absolument détruit de la vie de quelqu'un par le traitement à la fois médiatique et judiciaire. La manière de se dédouaner totalement de ses actions est assez fascinante. Okay, donc un docu moins guilleret que Visage Village. Tout à fait. Très bien. Ben moi, je vais vous conseiller un film qui est sorti en fait en DVD, en Blu-ray, fin mars, donc au début de l'année, qui était invisible depuis très longtemps. Chez Rimini, il est sorti, un petit éditeur, pour une fois qu'on parle pas de Carlotta ou du Chat qui fume. Et donc, c'est Georgia de Arthur Penn que j'attendais de voir depuis très longtemps, et donc qui était, comme je l'ai dit, quasi invisible. Georgia, c'est un film de potes, et en même temps, c'est un film qui décrit toute une époque l'époque. C'est un film qui se passe sur une dizaine d'années et c'est soi-disant le meilleur film sur les années 60. Ce qui est très intéressant dans le film, donc, c'est Arthur Penn qui a réalisé Bonnie and Clyde, entre autres, qui là renoue avec une veine un petit peu farcesque, je dirais, un petit peu le ton qu'on peut avoir, que moi j'aime beaucoup, une espèce de ton un petit peu surréaliste qu'on peut avoir dans Little Big Man ou qu'on peut avoir dans Alice Restaurant. Il renoue un petit peu avec ce ton-là. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune émigré yougoslave qui arrive aux États-Unis, puis qui va grandir, et qui, alors qu'il est adolescent, qui finit le lycée. Lui et deux de ses meilleurs amis sont amoureux de la même fille qui s'appelle Georgia. Et ensuite, à partir de ce début-là, il va traverser bien des intempéries, et il va traverser notamment les années 60 aux États-Unis. Le film a été écrit par un grand dramaturge et écrivain américain qui s'appelle Steve Tezich, et qui avait, lui, écrit très fort l'histoire d'amitié. Et Arthur Penn a rajouté ce côté traversée historique. On traverse l'assassinat de Kennedy, les années hippies, et surtout la fin du rêve des années 60-70, la fin du rêve, on va dire, flower power, etc. Tu veux dire qu'on finit par un film de Terrence Malick? Non, non, non, ça ne ressemble jamais à un film de Terrence Malick. Ça ressemble à un film d'Arthur Penn, tout en ressemblant très fort. Moi, je le rapprocherais plutôt de « Nous nous sommes tant aimés » de Scattered School. Et c'est avec cet acteur qu'on a très peu vu, qui s'appelle Craig Wesson, qu'on a vu, qui était le héros de Body Double. Voilà, c'est un film qui est très touchant, un super beau film sur l'amitié et qui est à la fois très drôle et en même temps très mélancolique, tout en gardant un côté optimiste. Voilà, j'étais pas déçu, malgré une attente presque de 10 ans pour voir ce film, j'ai absolument pas été déçu. C'est vraiment c'est un film très touchant. Puisque Lee parle d'un film d'Arthur Penn, moi je vais vous en conseiller un autre qui est probablement moins réussi, moins tenu, mais qui est un film qui m'a assez bien marqué, que j'ai vu assez dernièrement, qui est Mickey One, d'Arthur Penn aussi, donc, avec Warren Beatty, et qui est un film, je pense peut-être le film pour lequel on a inventé le terme film malade, grand film malade, parce que c'est vraiment un grand film pour moi. Il y a une idée par plan, il y a, je parlais de film jazz tout à l'heure en parlant de Malick, mais là on est encore plus dedans parce qu'il y a un rapport direct avec la musique jazz, un film d'une liberté, d'une liberté totalement folle. Warren Beatty à ses débuts est absolument génial dans le film. C'est un film qui est totalement foireux parce qu'on n'y comprend rien, parce que c'est absolument pas tenu, c'est assez mal écrit, comme un film d'Altman en fait, non, comme certains films d'Altman, qui n'a aucune linéarité, dont on ne suit pas spécialement les actions les unes à la suite des autres, mais il reste une énergie absolument hallucinante, la folie, parce que je pense qu'Arthur Penn est vraiment un cinéaste fou, et je pense que ça revient régulièrement dans ses films. Et surtout, comme je dis, il y a une idée visuelle ou sonore ou de Warren Beatty dans son jeu d'acteur, mais il y a une idée par plan. Donc c'est un film dont on ne peut pas dire qu'il est totalement réussi, mais c'est un grand film quand même. Très bien, et ben sur ces conseils, on va clore cette 10e de transmission. On essaiera de revenir au mois de septembre. D'ici là, on vous souhaite de très bonnes séances de ciné et à très bientôt.